Bismillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Louange à Allah qui n'accepte que les bonnes choses décises et qui n'agrège que les bonnes actions. Il est beau et il aime la beauté. Il n'ordonne à sa création que ce qui lui sera bénéfique. Il a autorisé le licite des bonnes choses et il a interdit les saletés et tout ce qui est mauvais. Nous le louons pour la grâce de l'islam et nous le remercions. Il nous a ordonné la purification et la propreté pour la bonne santé des corps, des âmes et des sens. Ce qui cause les maladies, altère le goût, affaiblit l'esprit et indispose nos compagnons, c'est le mauvais aspect et les mauvaises odeurs. Allah a dit: Allah ne veut pas vous mettre dans l'embarras, mais il veut vous purifier et parachever sa grâce pour vous, pourvu que vous soyez reconnaissants. Nous témoignons qu'il y a des dieux d'Allah, unique et sans associé. Il a institué les ablutions et la toilette pour enlever les impuretés des corps et des vêtements. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui qui a dit: la propreté est la moitié de la foi. Allah lui a dit: et tes vêtements tu nettoieras, et les impuretés tu abandonneras. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed qui a dit: cinq choses font partie des dispositions naturelles de l'homme. Se raser la moustache et s'épiler les aisselles, se couper les ongles, se raser le pubis et la circoncision. Prière et salutations sur lui, sur les siens et sur ses compagnons. Serviteur d'Allah, votre religion vous ordonne la propreté intérieure, celle de l'âme, mais aussi la propreté extérieure, celle du corps, des vêtements et de l'environnement dans lequel vous vivez. La prière et l'adoration ne sont acceptées que de quelqu'un qui est propre et qui est purifié. Les cœurs doivent être purifiés de l'association d'autres divinités avec Allah, de la jalousie, de l'orgueil et de la rancune. Le corps et l'aspect extérieur, vêtements et apparence, doivent être propres et lavés de l'urine, des excréments, du sang, du pu et de toutes les saletés. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Il n'y a qu'un mécréant ou un hypocrite pour garder caché le mal dans son cœur et faire paraître le contraire. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le corps un bout de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est malsain, c'est tout le corps qui est malsain. Et ce bout de chair, c'est le cœur. Les péchés aveuglent. Ils empêchent de voir clair. Il arrive que quelqu'un soit très beau extérieurement, mais dans son intérieur, il est mauvais. À première vue, on peut être fier de lui, mais dès qu'on s'intéresse de près à lui, on découvre un mauvais être. Sachez qu'Allah ne regarde pas l'aspect extérieur des êtres, mais leurs actions et agissements et leurs intentions. L'impureté du cœur se lave par la paix avec les gens, par le repentir sincère et par la foi en Dieu. Et aussi, quand tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, et quand tu n'aimes pas pour eux ce que tu n'aimes pas pour toi-même, et quand tu es satisfait de ton destin tel que Allah te l'a prescrit. Le croyant n'est pas malhonnête, il n'agit que dans la satisfaction d'Allah. Allah a dit: et s'ils commettent l'immoral ou une injustice avec eux-mêmes, ils invoquent Allah, ils se repentent de leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Allah? Beaucoup de livres, et notamment les livres du sophisme portent un grand intérêt à l'aspect intérieur des êtres et à la pureté des cœurs et nous permettent, quand on les lit, de lutter contre nos envies et désirs. Et dans les livres sacrés et les hadiths, il y a tout ce qui est ordonné aux musulmans s'agissant de son hygiène, comme le missoir pour se nettoyer les dents et se laver la bouche, le nez et les cheveux. On y trouve tout ce qu'il faut savoir pour se purifier des impuretés et après un rapport sexuel et même comment laver les endroits de notre corps qui sont difficiles à atteindre par l'eau. Allah n'a institué à ses serviteurs la circoncision, le rasage du pubis, l'épilation des aisselles, la coupe des ongles et le traitement des cheveux que parce qu'il aime qu'ils soient en bonne santé et d'une bonne hygiène et qu'ils sentent bon. Pour Allah, le croyant est bon et beau. C'est pour cela que le vendredi, les jours de fête et toutes les réunions publiques, il est demandé aux musulmans de bien se laver, d'avoir des vêtements propres et de se parfumer. C'est pour cela aussi qu'Allah a interdit les rapports avec les femmes quand elles ont leurs règles, comme il leur a interdit aussi de cracher dans les mosquées. Il nous a fait obligation de la toilette intime. Il nous a fait obligation de laver les ustensiles sales avant de manger dedans et de laver aussi ce que le chien a léché. L'objectif de ces obligations et ces interdits est d'éloigner le musulman des maladies et aussi la peur de la contagion. Serviteur d'Allah, si tu bois de l'eau, invoque le nom d'Allah. Ne bois pas directement dans la bouteille. Utilise un verre et ne respire pas dedans quand tu bois. Avant de manger et après, lave-toi les mains. Mange ce qui est devant toi. Ne regarde pas celui qui mange avec toi et ne mange pas devant lui. Quand il mange, le croyant propre ne rentre pas ses doigts dans la bouche. Et fais attention à ne rien éjecter de ta bouche dans l'assiette de celui qui mange avec toi. Celui qui a une maladie contagieuse, comme la tuberculose par exemple, ne doit pas entrer dans la mosquée et ne doit pas aller dans les endroits où il y a beaucoup de gens afin de ne pas les contaminer. Si Allah a autorisé le divorce pour cause de la lèpre, c'est pour éviter la contagion de celui qui ne l'a pas dans le couple. Les contagions dans les couples ne sont pas rares. Les soins médicaux ne constituent pas un manquement à la foi en Dieu, comme le prétendent ceux qui ne connaissent pas bien les enseignements de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam soignait et se faisait soigner. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque maladie qu'Allah a fait, il a fait son médicament, son remède. Il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui ne le savent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseillait l'abus de la nourriture, dans la nourriture, l'exposition au soleil et il disait l'estomac est le foyer des maladies. Il était sallallahu alayhi wa sallam un médecin des âmes et des corps. Serviteur d'Allah, le Coran autorise l'utilisation de la bière d'ablution pour un malade qui craint l'eau, comme il lui autorise de ne pas jeûner. Il l'autorise aussi de prier assis au coucher s'il ne peut pas se mettre debout. S'il n'y a pas de médecin femme pour une femme, il lui est permis de consulter un médecin homme pour l'ausculter, mais en présence du mari ou d'un membre de sa famille et dans un cadre respectueux. Quelle religion d'ouverture, contrairement à l'image que certains en donnent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez été envoyé pour faciliter les choses et non pour les compliquer. Et il a dit aussi, si vous entendez qu'il y a la peste quelque part, n'y allez pas. Et si la peste survient dans le pays où vous êtes, ne le quittez pas pour la fuir. Et cela dans un but de ne pas propager la maladie. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de vous urine, qu'il ne touche pas son sexe avec sa main droite. Et s'il va aux toilettes, qu'il n'utilise pas sa main droite pour s'essuyer. Et s'il boit, qu'il ne respire pas dans le récipient ou le verre. Allah a dit, une mosquée qui a été fondée sur la base de la piété dès le premier jour mérite que s'y lèvent des hommes qui aiment se purifier. Et Allah aime les purifier. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله